bite. Tu sais. Dosé. On est là, non? C'est le troisième épisode. Ouais. Les drums. Fouteur de spell, ici des mêmes boules. Petite rouge balle, t'as pas de bol. C'est Dosé, Bacardi, Pitbull. Fouteur de spell, ici des mêmes boules. Petite rouge balle, t'as pas de bol. C'est Dosé, Bacardi, Pitbull. Mon rap en soir de sang, faut mouiller le marité. Dosé et Pit, putain d'affaires de famille comme Arsenic ou Marie J. Ok, bâtard, fais de la place quand viennent les frères Bacard. On relève la barre dans ce hip-hop qui perd la face. On a la pêche, les capuchons, la vaseline, les boîtes au red comme des tiges de roseau. MC, prépare ton rectum. J'crois qu'il est temps de jouer franc jeu. Mike, je le frappe, jouer quand je veux. C'est le troisième épisode, gros, c'est dangereux. Trop de babane, je les parcours à banne. Prédisent la chute du puit, nous on s'empête. On fait notre mise en pote et la base est conquise. J'aime quand ça kick avec ardeur, quand ça rapture. Les détracteurs demandent à puit, on les fracture. Y'a pas de novice, pas d'amateur, y'a une désespère en la matière. On nous admire parce qu'on a créé de l'or avec un amas de merde. Amène la fraîche, ça fera plaisir à la matière. Sinon pour le reste, on se passera de tout commentaire. Fouteur de spell, on vient fermer des gueules. Lance pour l'été, pour les rues, pour les clubs. Y'a des gouttes de sang qui pleuvent, fouteur de spell. J'ai rien à personne, on est en Mercedes. J'ai monté mon buzz, pour ma part, plus besoin de faire mes preuves. Fouteur de spell, on vient fermer des gueules. Un morceau pour les thugs, pour les rues, pour les clubs. Y'a des gouttes de sang qui pleuvent, fouteur de spell. J'ai rien à personne, on est en Mercedes. J'ai monté mon buzz, pour ma part, plus besoin de faire mes preuves. C'est pété d'osé, mat comme on procède. Sous ma peau, c'est du poison qui coule, on colle un procès. Pour ma prose sèche, j'ai leur fillette, ma grosse tête sur leur poster. Prochaine erreur, c'est ton sang sur ma pochette. Ok les mecs, je reviens à l'essentiel. Approché par la porte, je reviens avec un bras, kick, Captain Crochet. Toi qui me reprochais d'avoir empoché des thunes, la balle vient de mon calibre et ne fera pas de ricochet. On m'a dit de baiser, j'ai pas de vaseline, que c'est, viens me la cesse. Tu vas la sentir perforante, mec. J'en fais une affaire personnelle, mets ta main courante, t'inquiète. J'ai une taupe chez mes concurrents, de ces magies, on fera des best-sellers. On va brasser là, je suis ton cœur et ta force, haine, nos deux bras sont liés. Les frères rap tout, espèce de rataille, c'est pas du rap tout, prends son dans ta gueule. Fouteur de spell, on vient fermer des gueules. Morceau pour les deux, pour les rues, pour les clubs. Y'a des gouttes de sang qui pleuvent, fouteur de spell. J'ai rien à personne, on est en Mercedes. J'ai monté mon buzz, pour ma part, plus besoin de faire mes preuves. Fouteur de spell, on vient fermer des gueules. Un morceau pour les deux, pour les rues, pour les clubs. Y'a des gouttes de sang qui pleuvent, fouteur de spell. J'ai rien à personne, on est en Mercedes. J'ai monté mon buzz, pour ma part, plus besoin de faire mes preuves. Avant d'être baisé par le fric et les filles, fait de perdre ma foule. Rache ma foule, j'ai le cul trop serré pour qu'on me la foute. Man, j'ai les crocs à serrer, trop de fois à la serrer. De mon regard froid, je fusille la foule atterrée, enfoiré de rappeur. Maintenant, tu peux mettre un blaze sur ta peur. Ça devient récurrent de voir les concurrents à terre dès le premier one shot. Sur le compte courant, y'a des gros chèques. Frangin, tu l'es, si ça porte plein. Y'a ce que vaut pour le bave, je suis à 30 comme Kilino. Y'a sur un truc, on passe au sable. On survit dans le maquis, on reste droit. On survit le cas qui merde toi. Qu'on s'incline, tu sais où tu te mets le doigt. Si ce n'est Dieu, dis-moi, on a peur quoi. Donc fuck quoi, je suis pas droit de personne. Je suis mon propre leader, ce que je veux, je me l'octroie. Y'a un nouveau délire dans le rap, génération noyau dur. Comment de toxique, Dosé, soldat Excalibur. Relève des grands, pas là pour animer, plutôt réanimer. Le terrain est miné pour les langues de pute, la danse est terminée. Fouteur de spell, on vient fermer des gueules. Morceau pour les deux, pour les rues, pour les clubs. Y'a des gouttes de sang qui pleuvent, fouteur de spell. J'ai rien à personne, on est en Mercedes. J'ai monté mon buzz, pour ma part, plus besoin de faire mes preuves. Fouteur de spell, on vient fermer des gueules. Un morceau pour les thugs, pour les rues, pour les clubs. Y'a des gouttes de sang qui pleuvent, fouteur de spell. J'ai rien à personne, on est en Mercedes. J'ai monté mon buzz, pour ma part, plus besoin de faire mes preuves. Bacardi, Dosé.